avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Jouventin, qui va nous parler, dont le titre de l'exposé est « Nature et, ou culture ». Et tout ce que, enfin, je sais quelques trucs sur lui, mais moins que certains qui n'ont pas voulu le présenter, mais qui le connaissent sûrement depuis très longtemps, parce que je crois qu'il a fréquenté le CIRA déjà une trentaine d'années. Je ne sais pas si c'est pas l'un des fondateurs, peut-être, ou d'un... Non, pas. Non, mais il est venu peu après. D'accord. Je sais qu'il est directeur de recherche au CNRS, et moi je l'ai découvert l'année dernière à l'occasion du festival de films scientifiques où je l'ai vu au milieu des manchots royaux dont il essayait de percer le langage, et c'était très intéressant. Donc je vais lui laisser la parole, et donc je ne sais pas s'il a un exposé, si après on peut lui poser des questions pendant, après, c'est comme il veut. À toi la parole. Ok, merci. Alors, enfin, j'avais prévu au départ, pour ne pas être trop ennuyeux sur des problèmes théoriques, de passer les diapos, puis je me suis rendu compte que, je les ai même là, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment trop difficile d'arriver à faire des choses pareilles avec les diapos, et donc j'ai fait quand même un projet d'exposé sur lequel vous pourrez intervenir, soit pendant, soit plutôt après, je crois, parce que c'est pas évident, sans suivre le développement de l'histoire, de comprendre où je veux en venir. Bon, alors, d'une part, quand Francis m'a demandé de faire un exposé ici, j'étais en plein dans le problème de nature et culture, qui est un grand débat, et je pensais que c'était peut-être le débat le plus important. C'est pas que je pense maintenant que ce soit plus aussi important, mais je me suis dit que dans quelle histoire de fou tu t'es mis, parce qu'en fin de compte, c'est un débat tellement important que personne n'a jamais résolu, qui date de l'aube de l'humanité et qu'il n'est pas prêt de terminer. D'autant plus que simplement sur le mot culture, il y a 163 définitions, nature, n'en parlons pas, donc c'est pas évidemment aujourd'hui que je vais régler le problème. Ceci dit, il n'en reste pas moins que si ça a été traité par Platon, par Aristote, et même c'est un sujet classique de Bach, c'est quand même, au-delà du problème que ça pose sur le plan universitaire, etc., question de cours, c'est un problème fondamental, parce qu'en fin de compte, c'est le problème de savoir est-ce que nous sommes déterminés par la nature, qui peut être bien des choses, les hormones, les gènes, etc., enfin en tout cas la biologie, disons, et ou bien est-ce que nous sommes déterminés par l'environnement, c'est-à-dire, et alors, où se trouve la liberté là-dedans, etc., est-ce que nous sommes une survierge qui prend l'empreinte et qui la retranscrit, ou bien alors, est-ce que nous sommes vraiment des robots, donc c'est un grand problème de fond. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce titre-là, j'ai pris ce titre de nature ou culture. Ceci dit, il en reste pas moins que... je ne l'ai pas fait venir uniquement pour vous dire que c'était déjà réglé et qu'il n'y avait rien à dire de plus, mais simplement, il me semble que les données nouvelles ont renouvelé le problème. Bon, alors, ça n'a pas donné la solution au problème, bien sûr, qui est un problème qui ne peut pas se régler en quelques secondes, mais en tout cas, il me semble que ça l'a vraiment renouvelé. C'est-à-dire que d'une part, il y a la préhistoire, qui est maintenant, on sait que l'homme n'est plus ce que l'on croyait, c'est-à-dire 2000, 3000, 4000 ans au maximum. On sait qu'en réalité, l'homme, c'est 10 000 ans de civilisation. Civilisation, c'est-à-dire agriculture, élevage, armée, cité. Et puis, parlons au sens large, plus l'homme, mais la lignée humaine, ça représente 4 ou 5 millions d'années. Donc en réalité, la civilisation là-dedans, ça compte pour 5 minutes si on prenait 24 heures pour l'histoire de l'humanité. Donc ça nous rend, enfin, à mon avis, plus prudents maintenant, parce qu'en fin de compte, ce qui nous paraissait l'histoire de l'homme, ce n'est qu'un petit bout de rien du tout, c'est la fin de l'histoire. Et donc en réalité, le problème maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme. On en revient toujours à la même histoire qui était déjà posée par les anciens, qu'est-ce que l'homme. Et là, on peut difficilement y répondre comme on le faisait auparavant, en répondant sur les quelques derniers millénaires. En réalité, je pense, et c'est pour ça que moi, en tout cas, mon parcours personnel, il y en a plusieurs qui le connaissent ici, mais enfin, je le dis rapidement, il y a une quarantaine d'années, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à faire la psycho, et puis je me suis dit, non, ça tourne trop en rond, il s'engueule tout le temps, j'étais pas très satisfait, et je suis parti sur la biologie, en me disant, l'homme c'est quand même avant tout, au départ, un être animal, en tout cas, qui a ses racines dans le monde animal, et donc peut-être qu'il y a des réponses là-dedans qui n'ont pas été examinées de près. Et donc, c'est ce qui m'a amené à faire cette démarche parallèle. Alors, d'une part, j'ai essayé de faire un métier agréable, c'est-à-dire que j'ai cherché à être embauché au CNRS pour faire de la recherche sur les animaux, et j'ai fait du comportement animal, je travaille sur la société animale, etc. Donc j'ai développé, là j'ai fait plein de choses dans ce domaine, et puis parallèlement j'ai continué à me poser le même problème, qu'est-ce que l'homme ? C'est-à-dire, et là, avec toutes ces données qui arrivaient, soit dans mon travail, soit par ce que je lisais tout autour de moi, eh bien ça faisait avancer ma démarche, et ça me permettait d'aborder un problème que maintenant j'estime seulement être capable d'entrevoir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un problème tellement difficile qu'on ne peut pas l'aborder comme on l'aborde généralement à 18 ans quand on passe le bac et qu'on ne sait même pas grand-chose de la vie. Et déjà, la philosophie, je trouve que c'est déjà difficile de l'aborder au niveau du bac, mais alors ne parlons pas d'un problème comme nature ou culture. Et c'est d'autant plus difficile de l'aborder qu'on a déjà une option, c'est-à-dire qu'on a déjà pris un a priori qui est soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit ce que vous voulez, mais en tout cas, on a déjà des options très précises et donc on a déjà la réponse au problème qu'on pose. Donc il n'en reste pas moins que le problème, donc j'essaie de le poser maintenant avec d'autres approches, donc préhistoire, paléontologie, neurobiologie, écologie, comportement social des primates en particulier, qui sont les plus proches de nous, évolution, puisque maintenant on a l'échelle, on a le recul, on sait qu'en fin de compte l'homme c'est pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire quelques millénaires de gens qui se tapent sur la gueule, mais c'est en réalité bien plus ancien, et l'évolution, la sélection qui agit sur nous comme sur n'importe quelle bestiole, eh bien ça a travaillé surtout avant, et non pas dans les dernières 5 minutes de la journée. Et donc, en réalité, la difficulté du problème, c'est qu'on est, on est devant une gageure. C'est-à-dire que étudier l'homme, c'est étudier les 5 dernières minutes et puis essayer de reconstituer tout le reste. Alors, on a quelques données, mais on a quoi comme données ? On n'a pas grand-chose. On a des pierres taillées, des trucs comme ça. On est obligé de travailler par extrapolation et de comparer soit avec ce qu'on commence à avoir et qui commence à arriver d'une manière importante, hein. On commence déjà à se rendre compte d'intervenir, c'était pas aussi simple que ça, il y a eu des batailles, bon, etc. On les a peut-être mangés, bon, etc. C'est pas aussi simple qu'on le croyait, c'est pas aussi idyllique. L'art, ça date pas de quelques centaines d'années ou milliers d'années, mais ça date maintenant de plus. Ça recule, on se demande jusqu'où ça va aller. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, le cerveau humain, nos a priori du départ, qui étaient l'homme c'est le sommet de la nature, c'est l'être achevé, c'est l'être social, c'est l'être politique, c'est l'être intelligent, rationnel, etc. On s'aperçoit que ça bouge. Alors donc, je ne donnerai pas une réponse évidemment simple à cette question, mais j'essaierai de faire avancer le débat en apportant quelques données. Alors, j'envisageais de passer des diapos, mais je l'ai pas fait parce que c'était vraiment trop utopique, parce que c'était difficile d'avoir les sujets qui correspondaient exactement, les sujets de diapos qui correspondent aux sujets de débat. Alors j'ai quand même essayé de ne pas rentrer dans un débat trop théorique et de prendre plutôt des exemples concrets. Et pour que ce soit plus parlant, je suis parti du propre de l'homme, qui est quand même un sujet intéressant, parce que depuis des millénaires, on se demande qu'est-ce que le propre de l'homme. Alors, est-ce que c'est l'outil ? Je vais vous donner toute une série de réponses qui ont été données, et puis comment elles ont évolué en fonction des connaissances actuelles. Alors l'outil, ben non, en fin de compte, maintenant on sait qu'il y a les pensements de Darwin, par exemple, les petits oiseaux qui se servent d'un outil, d'un bout de cactus, là, pour dénicher, sortir des chenilles. Bon, c'est peut-être pas, évidemment, une plaque d'équerre, mais enfin, en tout cas, ça fonctionne, et il se sert donc d'un outil. Les phalanctères des vautours cassent des œufs avec des cailloux, les chimpanzés utilisent des bâtons et font des broies des feuilles pour faire ça servir comme une éponge. Donc c'est un outil au sens simple, mais enfin n'empêche que la définition de base qui était donnée de l'homme ne fonctionne pas à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est le jeu ? Autre définition. Alors là, je ne sais pas si ça vaut même le coup de démonter tout ça, parce qu'en fin de compte, n'importe quel chaton qui s'amuse avec une balle vous démontre le contraire. En réalité, c'est pas du tout spécifiquement humain, le jeu. La logique, l'intelligence, là on entre dans du concret, là c'est la spécialité humaine. Alors d'une part, bon, il faut voir quand même que dans la mesure où on est homme, on choisit évidemment ce qui nous est favorable, dans la mesure où on a un gros ordinateur, c'est-à-dire un gros cerveau, eh bien évidemment, on a tendance à comparer avec ce qu'on a d'important. Si on était cheval, on dirait qu'est-ce qui court aussi vite que moi. Si on était, baleine, on chercherait le plus gros, etc. Nous, on a un gros ordinateur, un gros cerveau, donc on cherche. Ceci dit, il en reste pas moins que d'une part, si aucun animal n'a l'intelligence. Bien que l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je suppose que vous, je ne vais pas entrer dans le débat, mais enfin, vous savez que l'intelligence, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, on ne sait pas ce que ça recouvre. Le QI, n'en parlons pas. On pourrait parler d'intelligence au pluriel. En plus, qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment c'est déterminé? Enfin, c'est quelque chose de compliqué. En tout cas, ce qu'on peut dire, hein, tout simplement, c'est que les animaux sont manifestement intelligents. Il suffit d'avoir eu un chien ou d'avoir fréquenté de près un singe quelconque pour le voir, ou même n'importe quel animal avec son niveau. Alors, par exemple, vous connaissez les trucs classiques de chimpanzés qui empilent des caisses pour attraper une banane. Bon, l'insight, c'est-à-dire qu'il apprend d'un seul coup, il regarde, il s'assoit, il regarde, et puis pof, il se dit, tiens, l'astuce, et hop, il empile ses caisses et puis il attrape sa banane. Donc, c'est peut-être pas très malin, mais c'est déjà assez évolué pour un animal, et ça montre qu'il y a plutôt une question de degré qu'une question de différence de nature. Alors, une anecdote pour pas être trop aride, qui vous montrera jusqu'où les animaux peuvent entrer dans la logique de l'intelligence et qui rejoint d'ailleurs le problème du langage que j'aborderai ensuite, c'est que par exemple, une petite anecdote comme ça au passage, à une époque j'ai travaillé beaucoup en Antarctique, mais j'ai travaillé aussi en forêt équatoriale au Gabon. Et à un moment, je me suis trouvé avec un tas de chimpanzés qui étaient achetés parce que les chasseurs tuaient les mères et puis ils se retrouvaient avec des petits chimpanzés qui n'étaient pas intéressants parce qu'en viande c'était pas tellement intéressant, ça rapportait pas grand chose à la marmite. Et donc il est vendu aux chercheurs qui s'étaient mis d'accord du labo où j'étais, qui s'étaient mis d'accord pour faire un prix de base quand même pour pas encourager le tir des chimpanzés. Et puis on se retrouvait avec des chimpanzés dont personne ne faisait vraiment des études, ce qui était une erreur d'ailleurs à l'époque, maintenant on le sait. Et parce qu'ils pensaient que c'était des chimpanzés qui étaient acculturés, qui étaient modifiés, qui étaient plus des vrais chimpanzés sauvages, etc. Et comme on ne savait pas comment faire, on les mettait sur une île, et puis ils se reconstituaient un groupe de chimpanzés comme ça, petit à petit. Et il se trouve qu'une fois, moi j'allais les voir au temps, je m'amusais avec eux, j'avais pris des habitudes avec eux, et puis une fois j'en ai pris un. Et moi qui aurais dû, donc ça aurait dû être le travail de savoir qu'un animal, quand il devient adulte, bien, il devient dangereux parce qu'il se, dans la mesure où il se considère comme un homme, il se met en compétition, et bien le jeune mâle qui est en train de prendre la dominance, je l'ai pris dans les bras comme je le prenais souvent, et il m'a mordu le nez, il m'a moitié arraché le nez, je n'étais pas très content. Et alors après, je suis rentré à la station, là. Et j'étais en train de dans mes pensées, puis il y avait les autres chercheurs qui m'avaient fait une blague, qui m'avaient mis un serpent dans la Land Rover. Et quand j'ai ouvert la Land Rover, j'ai fait un bond énorme. Or, le serpent, c'est quelque chose, c'est un bon, ça nous, si ça nous tracasse autant, c'est parce que probablement, enfin, c'est difficile à prouver, mais il y a des pulsions innées au départ. En tout cas, sur l'homme, on peut toujours discuter, mais en tout cas, sur le chimpanzé, c'est sûr. Chez le perroquet, enfin, il y a plein de bestioles sur lesquelles ça fait peur, quoi, disons, comme ça, à la base, sans qu'ils aient jamais vu de serpent au départ. Et donc, moi, j'ai fait mon bond, en tout cas, et puis ensuite, je suis le lendemain. J'avais le serpent qui était dans la Rover, je me suis dit, ce salaud de chimpanzé qui m'a mordu le nez, je vais me venger, je vais lui faire une blague. Et donc j'ai mis mon serpent dans la pirogue, en allant au boulot, c'est-à-dire en allant courir après des babouins dans la forêt à quelques dizaines de kilomètres plus loin. Et puis ensuite, en revenant, j'ai longé la rive où se trouvait l'île des chimpanzés, et puis j'avais recouvert mon serpent avec un vêtement, et puis quand le chef, le jeune chef qui voulait prendre la dominante s'est arrivé, j'ai découvert et j'ai envoyé le serpent à la gueule. Évidemment, il a fait un bond terrible, il a hurlé, moi je me fendais la poire, j'étais très content, c'était très rigolo, j'étais content de moi. Et je suis rentré et l'affaire était close. J'étais passé du côté opposé à la côte qu'on voit à la côte de l'île qu'on voit du Labour. Parce que j'avais un peu honte quand même de mes conneries. Donc, je m'étais mis du côté opposé, évidemment. Et puis ensuite, bon, j'ai classé ça, je me suis dit, ça y est, j'ai fait ma comptabilité, je me suis vengé, c'est réglé. Et puis, le lendemain, je suis allé, comme d'habitude, courir après mes singes. Et puis ensuite, en rentrant le soir, le vétérinaire, qui allait voir les chimpanzés tous les jours, m'a dit, qu'est-ce que tu as rapporté les serpents aux chimpanzés, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, j'étais un peu surpris, je me dis, mais comment il a fait pour le savoir ? Je suis sûr que personne n'était là. Et puis, en fin de compte, il m'a dit, bien voilà, c'est tout simple. J'ai dit, mais comment tu fais pour savoir ça ? Et il m'a dit, ben, c'est tout simple, le chimpanzé, quand je suis arrivé comme tous les matins pour aller apporter mes bananes et compagnie, eh bien, il était tous ses états, ainsi que toute la bande, il m'a pris par la main, il m'a amené jusqu'au serpent, et il m'a montré, et là je me suis fait avoir, parce que le serpent c'est celui que le même vétérinaire m'avait mis dans la bagnole. Donc c'est pour vous dire, enfin bon, c'est anecdotique, mais enfin il n'en reste pas moins que ces trucs-là, c'est pas simple, et que les capacités d'attraction d'un chimpanzé sont quand même pas aussi étroites qu'on le croit. Enfin, passons. En tout cas, j'étais parti de la logique de l'intelligence. Bon, en réalité, donc, évidemment, les animaux sont moins intelligents que nous, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence ? Et d'autre part, c'est une question de degré, il n'y a pas de doute qu'il y a d'intelligence dans tous les animaux, avec des niveaux, évidemment, une paramécie, c'est moins intelligent qu'un chimpanzé. Mais enfin, justement, c'est là que déjà se trouve le fond du débat, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tricherie au départ, c'est-à-dire opposer l'homme et l'animal. C'est déjà faussé le jeu, c'est déjà une tricherie. C'est-à-dire qu'en réalité, on a coupé en deux concepts complètement opposés et complètement qui soi-disant se font face, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Bon, on y reviendra en tout cas. Bon, autre caractéristique qui peut être considérée comme le propre de l'homme, le symbolisme. L'abstraction, compter, bon ben il y a d'une part je ne sais pas si j'ai besoin de vous raconter tout ça, mais enfin pour ceux qui ne le savent pas, la danse des abeilles par exemple, les abeilles qui sont pourtant des petits insectes de rien du tout et qui n'ont pas un gros cerveau, arrivent à indiquer l'endroit où se trouve la fleur, la distance, avec les frétillements de l'abdomen, etc. Donc, et ça se fait dans le noir, sur une verticale, alors que c'est une retranscription d'un plan parallèle, hein, d'un plan horizontal. Donc, c'est presque des mathématiques, c'est-à-dire que la distance par rapport au soleil, entre la fleur et le soleil à l'horizontale, c'est retranscrit ensuite dans une verticale, et c'est par rapport à la pesanteur, le même angle des données. Et c'est le frétillement de l'abdomen qui donne à la fois la vibration qui donne la distance, et puis la direction de la danse qui donne l'angle. Donc vous voyez que ça peut être assez sophistiqué. Ça c'était ce qu'avait mis en évidence Karl von Frisch, qui a eu le prix Nobel en 1973 avec Lorenz Ettingeren, et à l'époque, à la Sorbonne, on expliquait que c'était complètement idiot, comment une abeille pouvait-elle faire un truc pareil, c'était ridicule, ça, si c'est trompé, bien le compte, non, il ne s'est pas trompé, ça marche toujours, quoi. Et même maintenant, on a développé le truc, on sait qu'en plus il donne l'odeur, enfin bon, etc. Les corbeaux, on a fait aussi pour essayer de voir comment ici ils arrivaient à compter, on leur a fait des tas de blagues, alors il y a maintenant, on fait ça avec les ordinateurs, ils tapent sur l'ordinateur, mais enfin il n'en reste pas moins que c'est toujours le même principe de base de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on fait entrer par exemple plusieurs personnes dans une case, et puis on regarde à partir de quel moment la bestiole s'est rendue compte qu'il n'y a plus personne. Et donc, et certains corbeaux arrivent jusqu'à 7. Donc c'est déjà pas mal, hein. Ils arrivent à intégrer que tant que les 7 personnes ne sont pas sorties, il y a toujours quelqu'un dedans. Donc c'est pas évident. Bon, évidemment, ils font pas d'algèbre, mais enfin, c'est déjà le point de départ. Moi, ce que je cherche à montrer, c'est pas que les corbeaux font de l'algèbre, mais c'est que tout se trouve déjà à la base. Ensuite, le mensonge, la politique, je crois qu'on peut les associer. Ça, c'est... Alors, jusqu'à présent, on pensait que c'était propre de l'homme. Ben non, malheureusement, dommage. Il y a toute une série de bouquins qui sont sortis ces dernières années, écrits par Hans de Waal, qui est un éthologue qui travaille sur les chimpanzés, qui observe les chimpanzés en captivité. Alors, en captivité, petite parenthèse, en captivité, c'est intéressant parce qu'évidemment, on peut suivre de plus près ce qui se passe, mais par contre, on n'a pas travaillant pas sur le milieu naturel, moi c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans le milieu naturel, enfin presque toujours, c'était pour avoir le milieu qui a modelé le comportement de l'animal. C'est-à-dire que quand par exemple je travaillais sur le manchot empereur en Antarctique, bon, quand on voit qu'il fait moins 40, qu'il fait des vents dépassant 300 km/h, et donc un pouvoir de refroidissement qui équivaut à peu près à moins de 100 degrés, on comprend que les manchots empereurs n'ont plus de territoire, n'ont plus d'espace autour d'eux, se serrent les uns contre les autres, portent leurs œufs ou leurs poussins sur les pattes, et donc c'est le seul moyen pour eux de survivre. Donc on comprend pourquoi cette adaptation s'est faite. Après, j'ai pu mettre en évidence, par exemple, qu'ils avaient une voix qui leur permettait, et qu'à l'intérieur de cette voix, il y avait plein de paramètres physiques qui leur permettaient de se reconnaître entre eux, parce qu'ils se retrouvent dans une foule, c'est-à-dire qu'imaginez que vous vous retrouviez sur la canne de bière, et puis que vous appeliez votre copain, il faut qu'il vous reconnaisse, bon, c'est pas simple. Donc, alors que d'habitude, vous venez ici, vous arrivez 3 rues Saint-Dominique, et vous remontez, et vous dites, je suis là, c'est moi. Donc c'est beaucoup plus facile, vous simplifiez le problème. Alors que là, dans le cas des manchots empereurs, il arrive devant 20 ou 30 ou 40 000 oiseaux, et puis il faut qu'il trouve son partenaire, puisqu'on sait, par les yeux remarqués, qu'il ne donne son œuf ou son poussin qu'à son conjoint. Donc il y a déjà tout un travail, et là on comprend pourquoi, comment ça a pu être modelé aussi étroitement, c'est-à-dire comment le comportement social a pu être modelé par ce milieu qui était tellement contraignant que c'était ça, rien. Alors ça paraît extraordinaire, évidemment, des trucs pareils, mais n'empêche, une part, ça existe, et deuxièmement, on comprend pourquoi ça a pu apparaître par sélection au fil des générations et des générations, mais il y a ceux qui ont trouvé l'astuce sont restés vivants, les autres ont disparu. En tout cas, pour en venir à nos histoires de mensonges et de politique, un exemple d'un gars qui a fait récemment une petite étude là, qui m'a amusé, c'est qu'il a mis deux chimpanzés, un dominé et un dominant, un gros costaud et puis qui se faisait écrabouiller à coups de poing quand il se faisait piquer la bouffe continuellement, et puis il montrait au dominé des cachettes où il mettait la nourriture, mais à travers une vitre. Et puis après, il ouvrait la vitre, il laissait sortir, mais les deux à la fois. C'est-à-dire le dominant et le dominé. Alors si, il était coincé le dominé, parce que s'il allait tout de suite à la bouffe, il se faisait piquer, il ne pouvait pas y toucher. Donc en réalité, il n'allait pas à la bouffe. Il allait balader, il allait un caillou où il n'y avait rien, où il savait qu'il n'y avait rien, il le soulevait, pendant que l'autre cherchait, hop, il allait piquer la nourriture. Donc vous avez déjà le début du mensonge et de la politique, je ne sais pas. Enfin la politique, en tout cas ça, c'est le début du mensonge, disons. Et la politique, bien par exemple, une autre anecdote qui a été observée par plusieurs fois, mais enfin qui est classique, mais enfin qui est amusante, je trouve, c'est celle qu'on voit couramment dans les sociétés de singes, de macaques, et en particulier chimpanzés, c'est que par exemple, le mâle, bon, c'est souvent le gros costaud là, qui empêche les autres, les petits mâles, de venir et de sauter les femelles de son harem, quand ça marche, en fin de compte, on sait maintenant, il y avait toute une projection des chercheurs à l'époque, qui avec leur machisme normal, disons, avaient tout vu avec le mâle qui tenait tout. En fin de compte, c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, en tout cas, restons dans ce schéma pour simplifier. Donc, le gros mâle empêche les jeunes mâles d'approcher. Et puis, il y a une femelle qui, quand même, elle est bien obligée de supporter le gros mâle parce qu'il est plus costaud, mais elle a bien envie de se faire sauter par le petit mâle qui est de passage. Mais si elle le sait, que si elle le fait, elle se fait casser la figure par le gros mâle. Hein. Alors, elle se met en bordure de la bande, ou derrière un caillou, ou un buisson, et puis elle se fait sauter par le petit mâle, et puis manque de chance, le gros mâle se rend compte du coup, et arrive au galop. À ce moment-là, et ça c'est classique, la femelle se retourne sur le petit mâle qui est en train de sauter, et il commence à crier de rage, et de peur, pour rediriger l'agressivité du mâle, et ce qui fait qu'après, c'est le gros mâle et la femelle qui tapent sur le petit mâle. C'est très poli. Ben oui, ça c'est... Et alors bon, les alliances, c'est ça, quoi. Hein. C'est la politique, c'est ça. Hein. Alors, autre exemple. Alors maintenant, passons à un autre niveau. Toujours, j'essaie de monter dans le niveau des propres de l'homme, disons, la conscience. Hein. Alors la conscience, c'est difficile toujours à préciser, à distinguer qu'est-ce que la conscience exactement. Il y a toujours un débat en soi. Mais enfin bon, on peut considérer au sens le plus élémentaire que c'est déjà se reconnaître en tant qu'individu. Alors comment le montrer, ça, d'une manière objective? C'est pas simple. Alors, il y a un test classique, là, du miroir, par Gallup, là, qui consiste à montrer à un singe, d'abord endormir le singe, lui mettre une tache sur le nez, et puis ensuite, on lui laisse un miroir, et la plupart des singes, ils voient ça, et puis ils cherchent derrière où est passé le singe qu'ils voient, et ils ne le trouvent pas, évidemment, mais les singes les plus évolués, chimpanzés, bonobos, etc., et les dauphins aussi, eux se rendent compte que c'est eux-mêmes. Et enfin, dans le cas du chimpanzé, en tout cas, aussitôt qu'il se voit avec la tache sur le nez, il se gratte sur la tache. Donc en réalité, il a fait la comparaison Et pour les dauphins, on l'a montré d'une autre manière, mais en gros, ça revient au même système. Il a conscience que c'est lui-même qui est dans le miroir. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça conscience, mais en tout cas, c'est le plus proche de ce qu'on peut déduire. Alors, le tabou de l'inceste, ça c'est le grand cheval de bataille de Lévi Strauss et des anthropologues. Et là, on entre dans la... On est juste... L'intérêt de cet exposé que je fais, je pense, c'est d'être juste à la frontière entre les sciences humaines et la biologie. Donc, entre les sciences dites dures, les sciences dites molles. Mais il n'en reste pas moins que les sciences molles sont les plus intéressantes parce qu'évidemment, elles nous concernent directement. Si elles sont molles, c'est justement parce qu'elles nous concernent tellement qu'il y a un débat de fond qui fait que les gens ne sont pas d'accord. Alors que, bon, discuter des atomes d'hydrogène, ça n'engage personne, et les gens de droite et de gauche peuvent se mettre d'accord. Alors, le tabou de l'inceste, bon, ben, en fin de compte, au départ, ça a été le centre de l'affaire d'ethnologues, anthropologues, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est très très général, il y a des tas d'espèces animales qui le pratiquent, bon, alors... Pour elle, évidemment, il n'y a pas toute la construction intellectuelle, imaginaire de l'homme, mais il n'en reste pas moins que le résultat est le même, c'est-à-dire que ça ne couple pas avec les apparentés, c'est-à-dire la mère, le père, ou le père quand ils le connaissent, parce que souvent ils ne le connaissent pas, enfin, en tout cas la mère. Hein. Et puis les frères et sœurs. Normalement, quand ils sont imprégnés très jeunes avec un partenaire, même s'ils ne sont pas frères et sœurs, après, généralement, la reproduction ne se fait pas. Ça peut arriver, mais en captivité, par exemple, dans des conditions extrêmes, mais normalement, ça ne se fait pas. Or, il se trouve que dans les kibbutzim, on a trouvé la même chose. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Hein. En tout cas, ce tableau d'insecte, il semble que ce soit quelque chose de tout banal et de tout évident, c'est-à-dire qu'on sait que quand il y a un accouplement entre des gens très apparentés, étroitement apparentés, ben, frères et sœurs, par exemple, il y a 10 fois plus de tares. Mais enfin, ça peut être un débat, mais enfin, en tout cas, il n'en reste pas moins que la consanguinité, ça pose des problèmes. Hein. Ensuite, autre attribut considéré comme le propre de l'homme, alors là, on monte encore d'un cran, la morale, l'altruisme. Alors là, on entre vraiment dans le vif du sujet, si je puis dire, c'est-à-dire ce qui paraît le plus intéressant, pour le plus original pour l'homme. Et il se trouve que Darwin, pour en revenir à lui, parce que Darwin c'est quand même le point de départ, hein, même si on a fait beaucoup de critiques de Darwin, c'est pas moins que ce qu'il a dit est toujours valable, avait été bien embêté parce qu'il avait montré qu'il y avait une sélection individuelle, mais il s'apercevait qu'il y avait certains petits traits qui n'étaient pas fréquents, mais qui quand même existaient, et qui n'étaient pas explicables par la sélection individuelle. Alors, par exemple, la femelle, la mère, par exemple, qui défend les petits, quel avantage a-t-elle à défendre ses petits? Ça paraît idiot au sens purement évolutif, c'est-à-dire génétique, puisqu'elle elle risque sa peau pour le jeune. Mais, et c'est ça, et d'ailleurs... Un qui avait bien vu le coup, c'est Kropotkin, qui c'est amusant d'ailleurs de retourner là-dessus, c'est Kropotkin dans Entraide, il a écrit un bouquin qui s'appelait Entraide, bon il ne connaissait pas grand-chose en zoologie, donc il a écrit beaucoup de bêtises dans ce domaine, mais par contre, il avait bien vu qu'en face de la compétition qu'avait présenté Darwin, il fallait qu'il y ait une autre force pour contrebalancer, parce qu'en fin de compte, dans tous les groupes d'animaux, ça ne suffit pas la compétition pour expliquer tout. Il faut qu'il y ait aussi une entraide, enfin une... donc il y a tout... Et il avait donc... ça a été le premier à présenter cet aspect. Et après, bon, là, il y avait des tas d'anecdotes qui reprenaient. Mais bon, c'était un peu naïf au point de vue zoologie, parce que c'était pas son boulot, il était géographe. Hein. Mais par contre... maintenant, on a fait toute la théorie et l'analyse génétique de ce truc-là, et on s'aperçoit qu'en réalité, il avait une prémonition, il avait bien vu le problème, et ça, c'est d'ailleurs la seule explication qui permet d'expliquer tous les insectes sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, les abeilles, les fourmis, tous ces trucs-là, bon, une abeille, quel intérêt a une sœur stérile de défendre les jeunes de la reine? Hein, ça paraît complètement idiot, mais si vous faites tous les calculs, vous apercevez qu'en réalité, élever des milliers et des milliers de jeunes qui sont apparentés, c'est mieux qu'élever ces jeunes si on en a 2 ou 3. Donc en réalité, il y a tout un calcul. Et donc c'est ça qui est à la base de l'altruisme, certainement. Et donc, alors chez l'homme, évidemment, on n'en est pas là. Hein. Moi, j'ai adopté un gosse, j'ai pas fait de calcul. Mais il en reste pas moins. De oui. Oui. Pas dit. Un gosse, j'ai dit. c'est pas de me faire tromper. En tout cas, bon, on se trouve dans des problèmes comme ça, qui sont, chez l'homme, évidemment, c'est pas un calcul, et il peut aller, l'homme, évidemment, contre cette programmation de départ, mais il n'en reste pas moins que chez l'animal, en tout cas, au sens large, hein, on peut expliquer très bien l'altruisme, l'entraide, etc. Et l'homme, bon, il y a tout l'aspect culturel qui se rajoute là-dessus, parce qu'évidemment, il a fait toute une histoire. Il peut même aller contre, hein. Cette, par exemple, là, je vous parlais du tabou de l'inceste, par exemple, les pharaons, au contraire, et ce n'étaient pas les seuls d'ailleurs, ils faisaient l'inverse. Mais dans quelle mesure ce n'était pas justement pour se mettre hors de la nature, hein, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire ne pas être comme le commun des mortels, être complètement dehors parce qu'ils gardaient leur sang pur, entre guillemets. En réalité, il y avait toujours quelqu'un, le chef des guerriers ou le valet qui passait derrière et qui récupérait la situation et qui remettait de l'ordre dans tout ça. En tout cas, maintenant, moral, altruisme, donc je vous en ai dit un mot rapidement, la culture. Alors là, on arrive aussi dans un problème qui nous paraît une spécialité humaine. Or, ça c'est maintenant évident, c'est pas du tout une spécialité humaine. Tous les animaux un peu évolués ont une culture. Alors évidemment, ils ne vont pas chercher des bouquins, ils n'ont pas de bibliothèque, mais il en reste pas moins qu'ils ont eu les macaques japonais, le grand exemple classique des macaques japonais. Et puis ainsi de suite. Et puis ensuite, maintenant, c'est bien plus évolué. C'est-à-dire que maintenant, on sait que quasiment tous les groupes de chimpanzés, on a fait tout le recensement, on s'aperçoit qu'ils ont... Alors là, c'est des listes qui n'en finissent plus. Maintenant, c'est plus seulement le sel ou je ne sais pas quoi, mais c'est la manière de tenir un outil, de prendre un bâton, de casser un caillou, de casser une noix avec un caillou, etc. Il y a plein de trucs, les positions même de la copulation, la manière de se tenir. Il y a plein de cultures qui sont transmises. Donc maintenant, on sait bien que la culture au sens élémentaire, en tout cas, c'est pas du tout une spécialité de l'homme. Alors, évidemment, on pourrait aller chercher plus loin, il y en a qui sont allés chercher jusqu'à la religion, la cuisine, qui est impropre de l'homme, oui, sans doute, c'est vrai, et là, il n'y a pas d'animaux qui le font, mais alors, s'il y a des athées, il y a des crudivoristes, ne sont-ils pas humains? En tout cas, alors, pour terminer sur la liste des propres de l'homme, je peux en trouver d'autres, mais enfin, bon, je m'arrêterai là, le langage, qui est quand même le plus intéressant, parce que là, c'est vraiment une spécialité réelle de l'homme. L'intelligence, c'est moins une spécialité que le langage. Le langage, il n'y a pas d'équivalent. Ceci dit, on s'aperçoit que d'abord, si chez nos plus proches parents, c'est-à-dire les singes, il n'y a pas de singes qui parlent, on a essayé, alors il y a des psychologues qui ont essayé de faire parler pendant 10 ans de suite, ils leur ont mis les lèvres pour les faire prononcer des mots, en réalité ils ont prononcé maladroitement 4 mots au bout de plusieurs années d'entraînement, donc manifestement ils ne sont pas doués, mais ils ne sont pas doués parce qu'ils n'ont pas l'organe phonatoire. Alors que par contre les oiseaux, et en particulier certains oiseaux très sociaux et vivant en groupe permanent, comme les ménates, comme les gris du Gabon, les perroquets des gris du Gabon, eux parlent très très bien, ils y arrivent par des systèmes complètement différents des nôtres d'ailleurs, mais enfin n'empêche qu'ils ont un organe phonatoire tellement développé qu'ils arrivent à imiter à peu près n'importe quoi, et ils arrivent à imiter l'homme. Mais pourquoi imitent-ils l'homme? Il faut comprendre aussi pourquoi, c'est qu'en réalité, ce sont, comme je l'ai dit avant, ce sont des animaux grégaires, c'est-à-dire très sociable, et vivant en permanence, en groupe permanent. Or, évidemment, pour arriver à faire parler un animal comme ça, ben, il faut l'isoler de son groupe, d'abord le prendre au jeune, l'isoler de son groupe, et à ce moment-là, en devenant copain avec lui, c'est-à-dire entrant dans son groupe, et puis ensuite, en lui répétant des mots associés, contrairement à ce qu'on dit longtemps, on a dit les perroquets, ils ne comprennent rien du tout, c'est pas vrai. En réalité, un perroquet, il va pas vous dire entrer quand quelqu'un ne tape pas à la porte. C'est pas au hasard ce qu'il fait. En réalité, ça correspond à une situation. Bon, évidemment, il n'entre pas dans une discussion. Moi, j'avais mon fils à une époque, tu connais peut-être cette anecdote, qui discutait avec mon perroquet. Et alors, le perroquet lui dit, comment tu t'appelles? Alors, il dit, je m'appelle Yann. Et toi, comment tu t'appelles? Évidemment, ça ne pouvait pas y avoir de discussion. C'est relativement limité. Ceci dit, il en reste pas moins que quand on fait une analyse sonographique là, de la voix d'un perroquet et la voix de l'homme, c'est quasiment identique, et d'ailleurs ça nous trompe énormément. Mais c'est pas sans signification, c'est-à-dire que le perroquet n'aimait pas les sons hors de tout contexte. En réalité, c'est très adapté à une situation. Mais on a pris la place d'un autre perroquet, c'était normalement ce perroquet, il devrait être dans une bande de perroquets et puis il devrait apprendre des autres perroquets. Mais comme évidemment on a pris la place, eh bien, on lui apprend de nouveau des mots qu'il ne devrait pas apprendre évidemment dans sa population normale, mais en réalité, oh, il imite, il essaie, et comme dans y a une part d'inné d'acquis, vous savez, c'est l'histoire, et dans ces animaux grégaires, il n'y a pas besoin, si je puis dire, de beaucoup d'inné, parce que l'acquis, il y a toujours des, comme ce sont des groupes permanents, il y a toujours d'autres animaux autour qui leur apprennent. Donc le système se transmet comme ça, il y a une base innée, mais il y a beaucoup, énormément d'appris. Et donc, ils apprennent des autres. Si vous substituez aux autres et que vous veniez parler à la place, et si vous êtes copain, attention, si vous engueulez avec lui, ça ne sera pas pareil. Il faut que vous fassiez partie du groupe. Donc, en réalité, on comprend très bien qu'en réalité, c'est la même chose. C'est comme les gosses, d'ailleurs, et là, on en arrive d'ailleurs à un problème de fond, c'est comme les gosses qui, à une certaine époque, tu sais ça, bien sûr, comme toutes les mères, d'ailleurs, toutes les femmes savent ça, c'est que les gosses, à un moment, ils babillent et ils essaient. Et là, alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un libertaire, c'est Noam Chomsky, qui est un linguiste et qui est arrivé au bout de ses études, qui n'étaient pourtant pas orientées dans le sens de la lignée, qui est arrivé à dire, bah, il n'y a pas de doute, toutes les langues connues, elles ont des règles de grammaire communes, et donc il semblerait que tous les enfants, tous les hommes dans leur tête, et les femmes évidemment, dans leur tête, et une grammaire générative, c'est-à-dire une grammaire de base, une syntaxe de base, qui après peut se modifier, c'est-à-dire que si on dit mère en France, on va dire mother en Angleterre, et mother en Allemagne, je ne sais pas où, mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est le même. Après, c'est un jeu de construction, mais il n'en reste pas moins qu'on a déjà ces principes de base. Alors après, et donc, ça montre que même dans un attribut de l'homme qui est vraiment particulier, hein, qui est vraiment unique quasiment, eh bien, il y a déjà une base innée. Et donc, en réalité, quand on découple ces deux problèmes, c'est-à-dire d'un côté l'imitation de la voix par les oiseaux, et de l'autre côté le problème de Chomsky là, qui est du babillage des gosses qui s'entraînent, parce qu'en réalité c'est très très difficile d'apprendre une langue, donc en réalité pour qu'ils y arrivent aussi rapidement il faut déjà qu'ils soient câblés entre guillemets. Bon, évidemment, si par contre, et ça a été fait d'ailleurs dans l'Antiquité et même dans l'histoire, on élève des enfants complètement à l'écart de tout. Alors il y a des gens qui se sont dit, bien, on va avoir la langue primitive, la première langue, la langue de base, et ça ne marche pas parce que le gosse il devient débile. Et c'est là qu'on voit que Rousseau, je reprends sur l'exposé que vous avez eu précédemment, s'est planté lamentablement parce que lui il parle d'état de nature en disant que l'homme est asocial. Or c'est manifestement faux, l'homme asocial il devient fou, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, à partir de ces trucs-là, donc là j'ai fait un peu le tour, mais on pourrait en trouver d'autres si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Je vais terminer un peu quand même là-dessus sur des conclusions. Quel enseignement peut-on tirer de toutes ces... Enfin, j'ai fait simplement une vision rapide, hein. Je ne suis pas entré dans les détails, mais on pourra sur les discussions si vous voulez aller plus loin. Premier enseignement, on peut considérer que l'homme est scientifiquement classé parmi les animaux. Ça, je crois que, bon, je suppose que j'emporte une porte ouverte, mais j'espère en tout cas, mais c'est pas évident. Enfin, en tout cas, ça a posé un problème aux sciences naturelles en 1700, 1800, etc. Parce que Linné, par exemple, le premier qui a fait la classification en genre-espèce, c'est-à-dire en deux mots, là, Homo sapiens, par exemple, eh bien, il était bien embêté, parce qu'est-ce qu'il devait faire de l'homme, hein? Alors, il s'est décidé à le mettre, mais il savait pas où le mettre, et d'ailleurs, il avait différents espèce noire, enfin jaune, etc., rouge, tout ce que vous voulez. Donc il était bien embêté. Alors après, Darwin était, lui aussi avait eu le même problème, ainsi de suite. Donc déjà il y a eu un problème au niveau des sciences naturelles, il a fallu placer l'homme. Bon ben, comme anatomiquement et même psychologiquement, Darwin en 1875 a écrit un bouquin qui s'appelle L'expression des sentiments chez l'homme et l'animal. Donc il avait déjà vu. Et c'est à peine compris maintenant, à mon avis. On commence seulement à comprendre ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire que l'homme et l'animal, ben, ils expriment des sentiments avec des moyens qui sont communs, qui sont plus ou moins perfectionnés, mais sans plus. Donc, déjà, au départ, on a ce problème de science naturelle qui maintenant touche les sciences humaines. Et là, on arrive dans le vrai problème. C'est-à-dire qu'actuellement, ben, on se retrouve, surtout en France. En France, il faut voir que historiquement, les sciences humaines se sont construites complètement indépendamment des sciences naturelles, de la biologie. Vous allez aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas le cas. Vous avez une université qui comprend des tas de sections, dont l'anthropologie, à côté du biochimiste, biologiste moléculaire, sciences dures, etc. Donc ces gens-là peuvent parler. En France, c'est complètement différent. Vous avez les sciences humaines qui sont complètement isolées. Et donc, il y a un problème de territoire qui fait que les connaissances peuvent difficilement passer de l'un à l'autre. Alors là, c'est tout un problème, et en tout cas, le problème se pose maintenant dans les sciences humaines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces données qui arrivent, c'est-à-dire que l'homme il n'a pas une histoire aussi courte qu'on le croyait, l'homme fait partie de la classification animale, qu'on le veuille ou pas. Alors sur le plan anatomique, c'est évident, sur le plan psychologique, c'est pas évident, il faudrait s'entendre. Alors ensuite, deuxième enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est que la dichotomie homme-animal était simpliste et trompeuse. Comme bien d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a corps-esprit, biologique-social, nature-culture. En réalité, c'est un sous-ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'est comme l'inné l'acquis. Au départ, quand je suis entré dans ces problèmes d'éthologie, j'étais à l'époque de Lorenz, alors les gens se battaient, bon, etc. Lorenz, fasciste, etc. Et puis, en fin de compte, l'inné ou la culture, on peut considérer très, très logiquement que ça fait partie de l'autre ensemble. C'est-à-dire que, comme on l'a vu pour les perroquets, ils n'apprennent pas n'importe quoi. Donc leur acquis est programmé au départ, si vous voulez. Le gosse dont j'ai parlé avec Chomsky, il n'apprend pas n'importe quoi. Il a déjà des capacités à apprendre dans un certain sens. Et donc, en réalité, ce qui nous paraît, d'abord, la différence entre inné et acquis, c'est un peu comme l'histoire d'intelligence, c'est pas aussi simple. Hein. Inné et acquis, c'est pas deux boîtes bien étanches. D'abord, qu'est-ce que ça recouvre? Deuxièmement, il y a toujours un pourcentage d'inné acquis, c'est-à-dire que vous prenez l'insecte le plus robot que vous puissiez trouver, et il apprend quelques petits trucs, et vous prenez l'homme, l'espèce humaine qui paraît la plus innée qu'on puisse faire, ben, un bébé, on ne lui apprend pas à téter sa mère, hein. Heureusement d'ailleurs. En tout cas, il y a déjà des bases. Donc en réalité, pour répondre déjà au titre du départ, il ne faudrait pas dire nature ou culture, il faudrait dire nature et culture. En réalité, c'est déjà lié. Et la culture n'étant qu'une partie de la nature. Bon, ensuite, je continue quand même pour aller au-delà parce qu'on peut en tirer encore d'autres conclusions. Les animaux ne sont pas identiques. C'est-à-dire que quand vous comparez une huître, un chimpanzé et un homme, c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de différence, évidemment, entre le chimpanzé et l'huître, qu'entre le chimpanzé et l'homme. D'ailleurs, on le voit, je l'avais mis d'ailleurs dans la petite baratin, là. Il y a 98,5% de gènes communs entre le chimpanzé et l'homme. Et d'ailleurs, ça a été. Et d'autre part, ça inclut le problème moral, certains, et pas mal, sont sensibles et sociables. Ce qui nous intéresse beaucoup, peut-être par anthropomorphisme, parce que nous-mêmes sommes sensibles et sociables. En tout cas, il n'y a pas de supériorité évidente, comme on le croyait jusqu'à récemment, et comme le croient la plupart des gens d'ailleurs, que qu'ils soient de gauche, de droite, athées ou croyants. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'homme, c'est le sommet de la nature, et puis voilà, c'est tout simple. En fin de compte, même le fait que l'homme ait un plus gros cerveau que le reste, c'est pas aussi simple que ça, on a trouvé des exceptions, donc c'est pas rien de ce qu'on croyait vraiment évident ne l'est, et donc en réalité c'est un problème éthique, c'est-à-dire que si on considère que l'homme c'est bien, et que en particulier nous, français, blancs, je sais pas quoi, on est encore mieux, ben on a le droit, c'est un choix, mais en tout cas c'est un choix éthique qui n'a pas de base biologique, il n'y a pas de hiérarchie dans la nature, il y a des différences. Alors ensuite, ce qu'on peut conclure encore, c'est que la frontière animal-homme se déplace, c'est-à-dire que c'est évident qu'actuellement, au fur et à mesure, l'espace humain se rétrécit, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs on le voit dans la définition, l'homme maintenant, il est plus pour les linguistes celui qui a le langage. Avant, l'Aristote disait c'est l'animal qui parle. Eh bien maintenant, on dit c'est celui qui pratique la double articulation, c'est-à-dire deux niveaux dans la phrase. Bon. Ou pour les anthropologues, on ne dit plus celui qui fait des outils, on dit celui qui fait des outils avec des outils. Comme ça, on arrive à se retrouver dans une position où là, il n'y a que lui. Mais il n'en reste pas moins que le fait qu'on déplace comme ça la frontière à ce niveau-là, ça montre qu'en réalité, on triche. C'est-à-dire qu'en réalité, le travail de beaucoup de gens de sciences humaines, c'est d'arriver à défendre leur précaré, c'est-à-dire leur spécialité. C'est ça le problème. Et donc, ils ne sont pas là pour savoir ce qu'est l'homme, en réalité. Ils sont là, beaucoup, pour défendre leur spécialité, leur fond de commerce. Et c'est pour ça que moi, je me suis retrouvé au départ en partant de la biologie. Maintenant, j'aborde les sciences humaines, mais d'une manière complètement différente, avec une vision différente. Puisque moi, je n'ai rien à défendre, je m'en fous complètement. Alors ensuite, autre conclusion encore, c'est que ces données révolutionnent les sciences humaines, à mon avis, surtout en France, où là, il y a un cloisonnement qui est extrême. Alors là, ça aboutit à quoi? Alors il y a tout un barrage, un tir de barrage, c'est-à-dire Darwin capitaliste. Darwin, il était ni raciste ni capitaliste, c'est pas vrai. C'était même étonnant à cette époque qu'il le soit aussi peu. Alors qu'on lui a cherché, dans ses écrits où il avait pu se tromper. Bon, évidemment, il savait pas ce qu'était un chromosome, c'était pas connu à son époque. Mais par contre, voir ce qu'il a trouvé à l'époque, justement, sans connaître l'existence des chromosomes, c'est extraordinaire, parce que quasi 98% de ce qu'il a dit tiennent toujours. Alors que par contre, à la même époque, par exemple, Henri Fabre, qui est notre ancêtre méconnu en France en particulier, qui n'est pas seulement entomologiste mais le fondateur du comportement animal, et pour le monde scientifique, eh bien lui, il avait fait des expériences et des observations qui étaient remarquables, mais il avait son petit truc déiste dans la tête qui l'empêchait de ce qui fait que quand on voit la comparaison Darwin au milieu, Marx trouvant qu'il est génial et lui dédicaçant ses œuvres que John Darwin a lu que les 100 premières pages parce que ça l'embêtait, et puis donc Marx essayant d'être scientifique entre guillemets dans son économie, mais Darwin ne suivant pas, et puis de l'autre côté Darwin admirant beaucoup Fabre qui lui ne le suivait pas du tout parce qu'il disait qu'il y avait ce truc là et Dieu alors oui passe, il n'y a plus besoin, alors que dans le système de Darwin justement c'est un peu comme la place répondant à Napoléon, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. En tout cas, ça a mené évidemment à des tas de discussions qui ne sont pas sans arrière-pensée, qui sont idéologiques, c'est-à-dire donc Darwin capitaliste, Lorenz nazi. Lorenz, il a pas été nazi, c'est pas vrai. Ceci dit, c'est vrai qu'il a fait son service militaire dans l'armée allemande, comme tous les hommes de cette époque. Il y avait aussi le Wilson, ça c'est plus récent, son débat actuel, la sociobiologie, si vous voulez, on en parlera après, on l'a traité de raciste. Bon, ma connaissance, je connais même personnellement, il n'y a personne qui ait pu prouver qu'il était spécialement raciste, etc. Ce qui, à mon avis, l'a desservi, c'est que c'est la nouvelle droite, c'est en particulier le Club de l'Horloge, Henri de Lesquelles, etc., qui ont été assez malins, parce qu'évidemment c'est plus facile à assimiler ce que je dis pour des gens de droite, parce que c'est le conservatisme. C'est beaucoup plus facile de dire, évidemment, qu'il faut être agressif, il faut défendre mon territoire, etc. C'est plus facile à mettre cette pensée pour des gens de droite que pour des gens de gauche. Donc les gens de gauche ont bloqué des quatre fers, et ils se sont opposés en cherchant même des poux quand il n'y en avait pas, alors que par contre les gens de droite, ils sont allés, et alors eux, ils en ont rajouté. C'est-à-dire qu'en réalité, Darwin, il n'était pas spécialement néo-darwiniste social. C'est pas vrai, il n'a jamais présenté de trucs comme ça. Mais par contre, bon, évidemment, ce qui fait que la droite a confisqué, si vous voulez, Darwinisme, dans certaines mesures, bien que dans les milieux scientifiques, ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, personne, enfin, à part des farfelus qui sortent un bouquin tous les 2-3 ans pour dire que ça y est, ils ont trouvé la solution, mais personne ne remet en cause le darwinisme. En tout cas, ceci dit, ça a quand même des retombées, même sur le plan scientifique, en particulier dans les sciences humaines. Vous avez, par exemple, dans le même monde des anthropologistes, anthropologue, vous avez l'anthropologie physique, qui elle se rapproche plutôt des sciences naturelles, et puis l'anthropologie culturelle, qui elle se rapproche plutôt des sciences humaines. Donc vous avez déjà une cassure nette qui fait que on retrouve le débat nature et culture, qui fait que ces gens-là sont en opposition et ont du mal à s'entendre, alors qu'en réalité c'est complémentaire quand même, parce que les deux visions sont indispensables de chaque côté. Et ceci dit, à mon avis, ça quand même, ça avance, c'est pas seulement un débat comme ça pour parler, hein. C'est que par exemple, on s'aperçoit, pas en France évidemment, mais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y a des anthropologues qui s'aperçoivent que par exemple, l'homme, c'est pas seulement un primate par ses origines, parce qu'en fin de compte, il a des traits de primate, mais il en a plein d'autres qui sont pas du tout la chasse en groupe, enfin les hommes... L'entraide, la compétition, la guerre, tout ça, ça vient des origines de carnivores sociaux. En réalité, c'est un primate qui a divergé. C'est-à-dire, c'était un singe comme les autres, si vous voulez, qui grimpait dans les arbres et qui cueillait des trucs. Et puis, ils ont commencé à devenir, disons, charognards, puis prédateurs, etc. Et là, tout le développement d'intelligence, j'allais dire, du cerveau, s'est fait, parce qu'on voit qu'un seul coup, ça... ça augmente d'une manière entre l'australopithèque qui est vraiment un tout petit cerveau de rien du tout, et puis d'un seul coup, et même chez les néandertaliens, c'est encore plus gros que le nôtre, hein, le cerveau, ce qui est assez curieux. En tout cas, on voit une montée qui était logique, parce qu'il y avait une sélection qui faisait que chaque gars qui trouvait une astuce ou qui parlait mieux avec les autres, hein. C'est-à-dire que si dans un groupe, il y en avait qui trouvaient des pièges, qui trouvaient des arcs, qui apprenaient mieux que les autres, ils étaient avantagés par la bouffe, par le résultat de la chasse, donc ils élevaient plus de jeunes, donc il y avait tout et ils prenaient la place, sans même les tuer obligatoirement, ils prenaient la place du groupe qui n'avait pas suivi. Donc il y a eu toute une évolution dans ce sens. En tout cas, on voit maintenant bien qu'en réalité, l'homme, ses origines de départ, c'est pas seulement des origines de primates, c'est aussi des origines de carnivores sociaux, ce qui fait que par exemple, on a tant de liens parfois avec les chiens, qui sont les descendants des loups, et qui sont très proches de nous, parce qu'un chien par exemple, vous lui donnez un interdit, il ne faut pas franchir cette porte, il intègre très bien, alors qu'un singe, vous ne pouvez pas, quasiment, vous ne pouvez pas obtenir ça. Et ça, c'est tout un passé de primates vivant en groupe avec des règles très fortes, qui sont nécessaires à la vie sociale. Et là, on entre dans le problème, d'ailleurs, de la morale, etc. Bon, passons. En tout cas, pour terminer, sur le dernier enseignement, qui me paraît le plus intéressant, en tout cas pour ici, c'est, il me paraît que, loin de refuser les bases biologiques du comportement humain, il faut au contraire les accepter, et que ça ne réduit pas la liberté, mais que ça l'augmente. Pourquoi ? Parce que ça permet de connaître nos déterminismes et de les dépasser. Voilà. Merci. Allez-y, hein, si vous voulez poser des questions. Ah oui, vous hésitez là-dedans. Oui, comment ? J'aurais juste, à propos de l'inceste, et pourquoi pas rappeler la théorie des chrétiens qui disent que Dieu, il a créé l'homme, son image, il a pris des côtes, il a créé une femme. Alors cette femme et cet homme, qui étaient les deux seuls qu'il y avait sur la terre, ils ont fait trois garçons. Donc ça veut dire que si nous on est là, c'est que la mère, elle a eu des rapports après avec ses fils. Parce que sinon, ça veut dire avec son mari, il a eu des trois garçons. Donc ça veut dire qu'après, il a eu des rapports. Donc ça veut dire. Mon explication, c'est le chimpanzé. Non, non, mais pour le chrétien, c'est pas le chimpanzé. Chrétien ou chrétien. Vous êtes même racine. Je ne peux pas faire avec chrétien ou chrétien. Sur ce même sujet. Tu m'as complètement passé dans l'oreille, j'ai rien compris là. T'as fait allusion à propos de tabou inceste au kibbutzim, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un exemple classique qui est pris. Deuxième point, j'ai rien compris du tout au fait que Jean-Henri Fabre, son idée de Dieu l'aurait empêché de voir quelque chose, de voir quoi? Bon, je vais t'expliquer. Deux points. Ouais, je suis passé le temps un peu vite. Hein. Mais enfin là, il faut voir aussi, hein, je fais un survol là, qui est tellement... Faut voir, hein, oui. Alors, kibbutzim, bon, chaque fois qu'il y a le problème du tabou de l'inceste, et généralement, on ressort cet exemple des kibbutzim, c'est-à-dire qu'ils ont fait une étude très importante sur tous les kibbutzim israéliens, là, et ils se sont aperçus que les enfants qui avaient vécu ensemble, il n'y avait jamais eu de mariage. Donc, comme il n'y avait pas de raison particulière pour l'expliquer, ils ont supposé que c'était le tabou de l'inceste qui apparaissait et que donc il y avait une base biologique, pas seulement culturelle, chez l'homme. Et c'est l'argument le plus fort actuellement pour ça, pour dire que le tabou de l'inceste... Quand on voit des petits-enfants qui sont dans une même famille, un frère et une sœur, c'est fréquent de les entendre dire, hein, on se mariera tous les deux ensemble quand on grandira. Oui, il y en a qui se marient, donc il n'y a pas... Ils n'ont pas la même idée. Mais moi je veux pas... Le tabou de l'inceste n'apparaît pas. Non, mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'exception, parce que l'homme, par définition, c'est un être d'exception. C'est-à-dire que même s'il y a une base... Il y a toute une discussion, alors je ne peux pas... J'essaie de résumer, parce que là, c'est des bouquins entiers. Hein. Il y a toute une école qui a dit, oui, mais alors, pourquoi faire des empêchements culturels s'il y a une base biologique? À quoi ça sert? Puisque ça marche déjà. Et en réalité, d'une part, la culture amplifie ce qui est biologique, ça a toujours fonctionné comme ça et c'est logique, et puis d'autre part, il faut voir que l'homme est tellement complexe qu'il peut remettre en question justement ses fondements biologiques. Donc en réalité, ne serait-ce que par principe et parce qu'il a découvert la liberté, il peut très bien coucher avec sa sœur. Et le second point, là, alors, Et Henri Fabre, oui, Henri Fabre, bon, ce qui sous-tend, enfin, quand tu lis toute l'histoire de ses récits et puis sa vie, etc., c'était quelqu'un, bon, il annonce pas toutes les lignes, bien sûr, mais quand tu sais choisir à l'intérieur de son texte, de temps en temps, il te dit, regardez, c'est formidable, c'est extraordinaire, hein. Ah, ça prouve qu'il y a quelque chose là derrière, c'est un peu l'histoire de Voltaire, là, que notre montre existe et n'est pas d'horloger, c'est pas possible. Donc, en réalité, il te le montre, par exemple, en particulier, dans le... quand les sphinx, les petites guêpes qui piquent dans les centres nerveux des coléoptères et qui trouvent, paf, aussitôt, le coléoptère, il une sorte de cuirasse qu'il a autour de lui, et il a quelques fentes dans lesquelles il faut taper, et il n'y a que simplement quelques espèces qui ont les centres, les ganglions nerveux, qui sont au même endroit, et donc qui puissent les atteindre. Donc, il sélectionne, un, il tape exactement au bon endroit, deuxièmement, il prend les espèces qu'il faut, c'est-à-dire celles qui ont les ganglions nerveux au bon endroit, et donc Fabre, et il ne le dit pas d'une manière très évidente, mais quand même parfois il le dit carrément, mais pas souvent, et il dit, regardez, c'est formidable, ça prouve que Dieu existe, ou en gros, quoi. Alors il ne le dit pas d'une manière aussi épaisse que je le dis, mais en réalité c'est ça. Et alors ça, à tel point d'ailleurs qu'il y en a d'autres qui ont fait l'expérience derrière et qui se sont dit, d'abord, il y a eu tout ce débat d'idées de l'acquis, donc il y a des gens qui ont dit, ouais, alors ça c'était un des arguments très forts sur l'inné. Et puis il y a des gens qui ont refait, qui ont pris des guêpes justement, juste la première fois. La première fois avant qu'elles aient aucune expérience. Et on s'aperçoit qu'en effet, elles savent la zone, mais elles ne savent pas bien. Et alors, au départ, il faut qu'elles trouvent. Donc en réalité, il y a un tout petit apprentissage, même dans ce truc-là, qui est manifestement instinctif. Tu m'as suivi, hein? Oui, oui, mais je n'ai pas souvenir d'avoir, il faudra que je le vois, je n'ai pas souvenir d'avoir eu chez Jean-Henri Fabre, dans les deux volumes qui ont été réédités, cette espèce de truc, alors c'est si beau qu'il doit y avoir Dieu derrière. C'est ça qui a gêné d'ailleurs Henri Fabre dans la reconnaissance de Darwin, parce que Darwin trouvait qu'Henri Fabre, ses observations étaient merveilleuses. C'est vrai qu'à l'époque c'était unique, hein, parce qu'il fallait le trouver, ça, d'étudier dans son jardin des bestioles, et puis arriver à des mécanismes aussi fins que l'histoire des sphinx là, qui attire à 10 km la femelle, etc. Bon, donc c'était extraordinaire, mais par contre, il manquait le mécanisme. Or, Darwin avait expliqué le système. Mais comme Fabre, lui, avait sa vision bien fixiste, déiste de la création, il ne pouvait pas entrer dans cette explication. Et ce qui est, à mon avis, une faiblesse d'Henri Fabre. Pour revenir sur l'histoire de la mais c'est dans la phrase, les enfants appellent la phrase de Rosemarie ensemble. Le langage, derrière leur langage, on en a parlé, il y a le langage descriptif, cet animal-là, de ça, son conseil de la vie du bois, mais c'est aussi des associations d'idées et inconscient. Et le fantasme, ça, ils n'ont pas touché l'animal, donc le fantasme et la réalité, c'est différent. Ceux qui peuvent fantasmer ne font jamais. Oui, peut-être. C'est peut-être un argument inverse. Voilà. Mais ça, c'est tout le problème de l'homme. C'est-à-dire, justement, l'espèce humaine, c'est spécialiste de l'imaginaire, c'est bien connu. Donc, il est capable de faire des trucs, justement, qui vont contre la nature, parce que, par exemple, on a des tas de sociétés où c'est pas un hasard, ça tombe plusieurs sociétés, où les empereurs, les rois, se mariaient frères et sœurs. Et justement, on se demande dans quelle mesure, enfin c'est du moins l'explication qui a été donnée par certains ethnologues, ils considèrent que c'est une manière de montrer que eux, ils sont au-dessus de l'humanité. Justement. Voilà. D'ailleurs, les... Voilà, justement, parce qu'on ne suit pas les règles de l'homme, l'espèce humaine. Chez l'homme, c'est un tabou, parce que c'est vraiment culturel. Mais par contre, chez l'animal, c'est quelque chose d'automatique. C'est toujours le problème de l'acquis, c'est-à-dire que chez l'homme, il y a beaucoup d'acquis, chez l'animal, l'insecte, disons, il y a beaucoup d'inné, mais il y a tous les termes de passage. Et puis même, on en arrive à un point où on ne sait plus ce qui est inné ou acquis, quel est le pourcentage, enfin, c'est un peu comme culture-nature. Hein. Alors que c'est un dominant sur l'idée, comme c'est un parent sur un enfant. C'est le problème social, ça. Mais oui, voilà, c'est autre chose. Oui, mais n'empêche que toutes les sociétés ont mis en place des garde-fous. Et s'il y a eu cette convergence, c'est sans doute pas par hasard. C'est parce que probablement, ça c'est pas mon boulot, hein, mais moi je suppose qu'il y a eu des tas d'accidents, c'est-à-dire il y a eu des tas de tarés, et puis ils ont mis un système, alors après ils racontent chacun. D'ailleurs ils ont des explications très différentes, c'est amusant. Une civilisation à l'autre, ils ont parfois l'explication, alors parfois ils savent même pas comment se font les gosses, mais ils ont une explication pour empêcher ça, qui a parfois rien à voir avec la réalité d'ailleurs. Et même fait, n'empêche qu'il y a, il y a un garde-fou, il y a un blocage. Et au niveau, je dirais, strictement social, des groupes sociaux, et que si on se reproduit entre soi, hein, c'est pas seulement un aspect biologique, il y a un glissement, justement, sur le plan de ce qui peut se transmettre. Les gens de l'étranger, par les femmes ou les hommes étrangers, le groupe, c'est un certain nombre de savoir-faire, de connaissances. Ah oui. Et l'alliance. Et donc je suis persuadée que le tabou de l'inceste, c'est aussi lié à la nécessité pour survivre des peuples humains de oui. l'alliance avec les autres. D'ailleurs, le problème de l'espèce humaine, c'est qu'il n'y a pas qu'une explication. À chaque fois, tous les trucs s'empilent. Alors, moi, j'essaye de donner une explication simpliste parce que je veux partir du point de départ, mais il n'en reste pas moins que tout s'empile et à la fin, on sait plus vraiment, tout est engrené. Ça existe, par exemple. Oui. Il y a même des mâles qui, quand ils entrent dans un groupe, commencent par tuer tous les jeunes lions. Oui. Ou pas. Pour éliminer toute descendance. Et j'espère que vous avez fait mon boulot, c'est terme de jeu. Qu'est-ce que tu as contre les huîtres dans ce cas? J'ai eu des mots assez durs pour défendre, effectivement. C'est ce que le cerveau le moins développé. Ben voilà, oui, le cerveau est tellement élémentaire que ça pose généralement moins de problèmes quand tu la gommes que de manger vivant un chien ou un cheval. Oui, là, tu serais en Grande-Bretagne, manger un cheval, c'est scandaleux. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que je voulais parler, je ne sais pas si tu connais un peu tout ce qui a trait à l'antispécisme, parce que tout ce que tu nous dis... J'avais noté, j'ai oublié de m'en parler. Tout ce que tu nous dis, ça devrait remettre en question complètement nos rapports entre l'homme et l'animal. Donc il y a notamment les théories antispécistes qui sont très décriées, surtout dans nos milieux. Il y en a qui trouvent ça très bien, il y en a qui disent que c'est du fascisme, etc. Et bon, parce que là, l'histoire de l'huître, dans un bouquin de Peter Singer, il en parle effectivement. Il dit que c'est entre un cheval. C'est à peu près l'exemple, je ne sais pas si c'est de Singer, mais c'est l'huître. Bon, effectivement, elle a peu, vu le peu de développement de sa sensibilité, elle ne va pas souffrir.